إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد مرحبا بكم جميعا bienvenue à tous. On se retrouve encore une fois par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala pour commencer aujourd'hui le 19e cours. Alhamdulillah. Et toujours dans l'explication de Juz Amma, et nous en sommes arrivés à Surat Al-Fajr. On avait commencé hier à expliquer les premiers versets. Naam, on avait dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il jurait à de nombreuses reprises par ces créatures qu'elles font partie des signes universels. Et elles prouvent son immensité et sa grandeur, Allah subhanahu wa ta'ala et sa capacité parfaite. Et elles prouvent qu'il est unique. Allah subhanahu wa ta'ala, seul lui en vérité mérite l'adoration. Et tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala est faux. Naam, par l'aube, donc on avait dit c'était quoi l'aube, alhamdulillah, et par les 10 nuits. On avait dit qu'il y avait une divergence. Est-ce que c'était les 10 dernières nuits de Ramadan ou est-ce que c'était les 10 premiers jours de Dhul-Hijja? Il y a divergence à ce sujet. Dans tous les cas, Allah subhanahu wa ta'ala a juré par ses jours, ses nuits, hein, pour l'immensité et l'importance de celle-ci. Et par le Père et l'Impère, Allah subhanahu wa ta'ala, il a juré par le Père et l'Impère. On avait dit qu'il y avait beaucoup d'explications à ce sujet. On avait rapporté une explication par le Père et l'Impère. Le Père, c'est toutes ses créatures. Et l'Impère, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. On avait dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il était unique. Et Allah, il aime l'Impère. Comme il est venu dans le hadith authentique. Et par la nuit, quand elle s'écoule. Après, il a dit Allah subhanahu wa ta'ala, n'est-ce pas là un serment pour un doué d'intelligence? Et on avait fini ce verset-là. On commence, inshallah wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad irama dhati al-'imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, dans la traduction approximative, n'as-tu pas vu comment ton Seigneur a agi avec les Ad? Ad, c'est un peuple arabe qui est venu après le peuple de Nuh, alayhi salam. Après le peuple de Noé, alayhi salam. Et Ad, le peuple, ils habitaient à ce qu'on appelait les villes de Al-Ahqaf. D'accord? Situées dans... ceux qui ont expliqué les versets ont dit que c'était situé dans le sud-ouest au Yémen. Naam. Et Allah subhanahu wa ta'ala leur envoya Hud. Hud, alayhi salam. Naam. Qui leur a transmis le message. Et ils ont refusé. Ils se sont enorgueillis et dire qui est plus fort que nous. Qui est plus fort que nous? Allah subhanahu wa ta'ala leur a montré qu'ils sont faibles devant la force d'Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Et l'histoire de Ad, elle est mentionnée dans le Coran pour celui qui veut revenir, inshallah, dans le détail. On va revenir aussi avec l'histoire de la chamelle dans Sourate al-Shams. Naam. Donc Allah subhanahu wa ta'ala ici leur a montré qu'ils sont faibles devant la force d'Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, car Allah subhanahu wa ta'ala leur avait donné, comme on va voir, la force. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la traduction approximative, quant au Ad, ils s'enflèrent d'orgueil sur terre injustement et dirent, qui est plus fort que nous? Quoi? N'ont-ils pas vu qu'en vérité Allah, qui les a créés, est plus fort qu'eux? Et ils reniaient nos signes. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il les a anéantis par un vent violent et glacial. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la traduction approximative, nous déchaînâmes contre eux un vent violent et glacial en des jours néfastes, afin de leur faire goûter le châtiment de l'ignominie dans la vie présente. Et le châtiment de l'au-delà, cependant, est plus ignominieux encore, et ils ne seront pas secourus. Fin du verset. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un autre verset, Ils arrachaient les gens comme des souches palmiers déracinées. C'est-à-dire que le vent qu'Allah subhanahu wa ta'ala il leur a envoyé comme châtiment, il arrachait les gens comme des des souches palmiers déracinées. Eux qui prétendaient avoir la force. Allahul Musta'an. Naam. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit, après, Irama dhat al-imad. Avec Iram, à la colonne remarquable. Iram, le nom d'une tribu connue au Yémen. D'accord. Où il a été dit que c'était le nom de leur père. Comme ils disent, Banu Iram, les enfants d'Iram. Naam. Et que ce soit là ou l'autre, Allah subhanahu wa ta'ala les a détruits malgré leur force. Malgré leur force. Et le sens de à la colonne remarquable, il a été dit ici, dans l'explication de ce verset, que le sens ici, c'est qu'ils habitaient dans des tentes, le plus souvent soutenues par des colonnes remarquables, immenses. Naam. Et il a été dit aussi dans l'explication que le sens de à la colonne remarquable, c'est-à-dire que c'est une caractéristique de ce peuple. Allah subhanahu wa ta'ala leur avait donné la force. Ils avaient des corps immenses, des corps forts. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Al-A'raf, verset 69. Et rappelez-vous quand il vous a fait succéder au peuple de Noé et qu'il accrut votre corps en hauteur, c'est-à-dire puissance. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit ensuite, allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, dont jamais pareil ne fut construite parmi les villes. Et donc là, il a été aussi divergé par rapport à cette explication. Hein, c'est-à-dire que personne n'a été créé avant, comme le peuple de Had, de cette force. Et c'est pour ça qu'ils ont été trompés par cette force. Ils ont été trompés par cette force. Et c'est pour cela qu'ils ont dit, qui est plus fort que nous? Ils se sont enflés d'orgueil. Et se sont reposés sur leur force, mais cela ne leur a pas été bénéfique car Allah subhanahu wa ta'ala les a détruits. Wallahu al-musta'an. Allah subhanahu wa ta'ala continue de citer les peuples qu'il a détruits. Il dit wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad. Et avec les Thamoud qui taillaient le rocher dans la vallée. La tribu de Thamoud, le peuple de Salih, alayhi salam, il résidait en Arabie. Entre Hijaz et Tabouk, des régions en Arabie. Les Thamoud sont venus après le peuple de Had. Naam. Et comme eux, ils ont adoré des idoles. Et Allah subhanahu wa ta'ala leur envoya Salih, alayhi salam, en tant que messager et prophète. Et l'histoire aussi mentionnée dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala leur avait donné la force aussi, jusqu'à édifier des palais dans ces plaines et taillaient en maison les montagnes. Imaginez-vous, ils taillaient en maison les montagnes. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala leur avait donné ce grand bienfait, yani cette force, cette capacité. Et c'est là le sens de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui taillait le rocher dans la vallée. Mais malgré tous ces bienfaits, ils ont mécru en Allah subhanahu wa ta'ala et ont adoré d'autres divinités en dehors de lui. Ils se sont enflés d'orgueil, trompés par leur force et leur puissance. Mais Allah subhanahu wa ta'ala les a détruits, les a anéantis, comme il a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans la traduction approximative. Le cataclysme les saisit à l'heure et les voilà étendus, gisant dans leur demeure. Et dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, c'est à l'heure qu'ils furent saisis par la foudre du supplice le plus humiliant pour ce qu'ils avaient acquis. Et dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala il dit, nous lâchâmes sur eux un seul cri. Et voilà qu'il fut réduit à l'état de paille d'étable. Wallahu al-musta'an. Un seul cri, imaginez-vous. Hein, tous morts. Subhanallah. Tous réduits hein, comme de la paille d'étable. Wallahu al-musta'an. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il cite ensuite un troisième exemple. Il dit, wa fir'aun dhil awtad. Ainsi qu'à Pharaon, l'homme aux épines. L'homme aux épieux, afwan. Et on avait déjà cité l'histoire de Pharaon. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui envoie Moussa et Haroun, son frère, en tant que messager et prophète. Naam. Et Pharaon, l'homme aux épieux. Qu'est-ce que ça veut dire, l'homme aux épieux? Ils ont traduit par aux épieux, c'est-à-dire au piquet. L'homme au piquet. Et c'est quoi le sens ici? Il y a eu plusieurs explications. On va citer ces explications. Il a été dit que le sens de son armée, c'est-à-dire le sens ici de l'homme aux épieux, c'est-à-dire son armée, l'armée de Pharaon, par laquelle il gardait par son armée son royaume stable, Pourquoi? Car son armée le rendait stable, comme les piquets rendent stable une tente, par exemple, ou une maison, comme des piliers. Cette armée, elle était comme des piliers. Hein? Pourquoi? Elle avait la force, ils étaient nombreux. Non. Et il a été appelé comme ça aussi, car l'armée de Pharaon était forte et immense. Hein? Comme les piquets renforcent la tente afin qu'elle soit stable. Non. Et il a été dit aussi, dans des explications, que yani, ils habitaient l'armée, ils habitaient dans des tentes. Et tellement qu'il y avait des tentes, on voyait leurs piquets. Non. Et il a été dit aussi, sur le sens de l'homme, c'est-à-dire de l'homme au piquet, c'est-à-dire Pharaon, car il châtiait les gens avec ses piquets. Wallahu al-musta'an. Il châtiait les gens avec ses piquets. Et Allah subhanahu wa ta'ala les a détruits. Il les a noyés. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit par la suite: الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, dans la traduction approximative, tous étaient des gens qui transgressaient leur pays. Le peuple de Ad, Thamoud, Pharaon, ils ont certes transgressé dans les pays d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont transgressé car ils n'ont pas cru en Allah subhanahu wa ta'ala et ne l'ont pas adoré seuls, sans rien lui associer. Ils ont démenti les messagers. Ils ont été injustes envers les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont fait du mal aux serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala dans leur vie d'ici-bas et dans leur religion. Car ils les forçaient à mécroire. Hein, c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit par la suite: et ils avaient commis beaucoup de désordres. Naam, ils ont commis le désordre en pratiquant la mécréance, l'association dans toutes ses formes. Toutes les sortes de désobéissances. Ils se sont efforcés à combattre les messagers et autres transgressions. Hein? Et la terre d'Allah subhanahu wa ta'ala, la terre, elle se corrompt par quoi? Par les désobéissances. Comme elle se réforme et s'améliore par l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit: et ne semez pas la corruption sur terre après qu'elle a été réformée. Donc sa réforme, c'est fait par l'envoi des messagers, la descente des livres. Et son désordre, c'est fait par la mécréance, les désobéissances et les transgressions. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, dans la traduction approximative: la corruption est apparue sur la terre et dans la mer à cause de ce que les gens ont accompli de leurs propres mains, afin qu'Allah leur fasse goûter une partie de ce qu'ils ont œuvré, peut-être reviendront-ils vers Allah. Wallahu al-musta'an. Et Allah subhanahu wa ta'ala montre ensuite quelle a été leur fin, ce qu'il est advenu de ces peuples. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala: donc ton Seigneur déversa sur eux un fouet de châtiment. C'est-à-dire que lorsqu'ils ont atteint dans leur arrogance et leur tyrannie, leur transgression, ce qui oblige leur destruction, Allah subhanahu wa ta'ala a descendu sur eux son châtiment, un fouet de châtiment. Et le fouet, comme ils disent les savants, c'est un bâton qui est utilisé pour taper, hein, pour châtier la personne, hein, dans cette dunya. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala, par cet exemple, il montre que le châtiment est venu les frapper comme un fouet qui frappe une personne qui se fait châtier. Et cela montre la dureté de ce châtiment. Tu vois, subhanallah, celui qui se fait châtier par un fouet, par un bâton, comme ça, de nombreuses reprises, tellement rapide. Tu vois comment le châtiment qu'il subit dans cette dunya. Imagine-toi, yani, à l'exemple de cela, du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Et le châtiment de l'au-delà sera encore plus dur. Allah nous en préserve. Car ton Seigneur demeure aux aguets. Inna rabbaka labil mirsad. Naam, Allah subhanahu wa ta'ala montre qu'il est certes aux aguets pour celui qui lui désobéit, pour celui qui transgresse et s'enfle d'orgueil. Allah subhanahu wa ta'ala les surveille leurs actions. Il leur accorde un délai. Pourquoi il leur accorde un délai? Pour les saisir d'une saisie d'un puissant omnipotent. Comme il a dit Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas inattentif à ce que font les injustes. Allah subhanahu wa ta'ala dit, dans la traduction approximative: et ne pense point qu'Allah soit inattentif à ce que font les injustes, il leur accordera un délai jusqu'au jour où leurs regards se figeront. Naam. Donc après avoir montré les châtiments de ces peuples qui ont transgressé, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنْ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنْ كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ. Allah subhanahu wa ta'ala il dit, quant à l'homme, lorsque son Seigneur l'éprouve en l'honorant et en le comblant de bienfaits, il dit, mon Seigneur m'a honoré. Et sachez mes frères, mes sœurs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il éprouve l'être humain. Il l'éprouve par le bien et par le mal. Comme il a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans Sourate les Prophètes, verset 35, nous vous éprouvons par le mal et par le bien à titre de tentation. Fin du verset. L'être humain, il est éprouvé par le bien pour savoir s'il sera reconnaissant ou ingrat. Et il est éprouvé par le mal pour voir s'il sera patient ou au contraire sera parmi les débauchés, les libertins et parmi les transgresseurs. L'être humain tourne autour du bien et du mal. Entre un bien qui lui convient et qui le réjouit, ou un mal qui ne lui convient pas et ne le réjouit pas. Et tout ceci est une épreuve d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Et ici, dans ce premier verset, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous informe sur la nature de l'homme, hein, sur l'instinct, son caractère naturel, on parle de l'être humain ici en général. Après, on va voir, on va distinguer entre les mécréants et les croyants, bien sûr. Mais l'être humain, à la base, il est ignorant et injuste. Il ne connaît pas les conséquences. Il pense que la situation dans laquelle il est dans cette dunya durera éternellement. Il ne disparaîtra pas. Il pense que le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'honore dans ce bas monde et le comble de bienfaits prouve qu'il est honoré, noble auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et proche de lui. Et proche de lui. Mais par contre, Allah subhanahu wa ta'ala il dit ensuite, mais par contre, quand il l'éprouve en lui restreignant sa subsistance, il dit, mon Seigneur m'a avili, m'a humilié. Hein? Ainsi, d'un autre côté, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala l'éprouve en lui rétrécissant sa subsistance, soit car il lui donne ce qui lui suffit sans rajout, ou soit par la pauvreté. Il croit que cela est une avilation de la part d'Allah. Hein? Ainsi sont la plupart des gens. Ils ne savent pas que cela est seulement une épreuve d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car certes, Allah peut combler de bienfaits ses ennemis. Il comble celui qu'il aime et il comble celui qui ne l'aime pas. Et celui qui n'aime pas, avouez. Hein? Il comble de bienfaits son allié ou son ennemi. Parce que c'est une épreuve d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans Sourate les Croyants, versets 55 et 56. Pense-t-il que ce que nous leur accordons en bien et en enfant soit une avance que nous empressons de leur faire sur les biens de la vie future? Au contraire, ils n'en sont pas conscients. Et il dit dans Sourate les Bestiaux, verset 44. Puis lorsqu'ils eurent oublié ce qu'on leur avait rappelé, nous leur ouvrîmes les portes donnant sur toutes choses. Et lorsqu'ils eurent exulté de joie en raison de ce qui leur avait été donné, nous les saisîmes soudain et les voilà désespérés. Naam, ça c'est la situation de l'être humain, la nature de l'homme, hein, le mécréant. Et malheureusement même, hein, on peut voir les musulmans qui ont une foi faible, Wallahul Musta'an, ils sont des fois, ils ressemblent, yani, ils imitent les mécréants dans cela. Mais tandis que le croyant, lui n'est pas comme ceci. Le croyant, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala l'honore, hein, l'honore et le comble de bienfaits, il est reconnaissant envers son Seigneur sur cela. Hein, il voit que ceci est une grâce et une bienfaisance de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, non pas parce qu'il pense qu'il le mérite, mais il sait qu'il est éprouvé. Et s'il est éprouvé par l'étroitesse de sa subsistance ou la pauvreté, il patiente et il espère la récompense dans l'au-delà. Il sait qu'il est pécheur, qu'il fait des péchés. Il sait parfaitement qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne l'a pas avili par cela, c'est-à-dire en lui restreignant sa subsistance. Alors à ce moment-là, il est patient lors de l'épreuve et reconnaissant lors de l'aisance. Et il demande pardon lors du péché. Et ceci est quoi? et le bonheur ultime. Dans les deux cas, alhamdulillah, il voit que c'est un bien pour lui. Et il prend exemple sur les prophètes et les messagers. Alhamdulillah, tu vois le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il était riche? Non. Donc, il doit prendre exemple sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que les compagnons et ceux qui les ont suivis dans cela. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit ensuite, Kalla, balla tukrimun al-yatim. Mais non, c'est vous plutôt qui n'êtes pas généreux envers les orphelins. Mais non, c'est-à-dire ce n'est pas comme ils prétendent. Il ne vous a pas comblé de bienfaits pour vous honorer parce que vous le méritez, mais plutôt par sa grâce. Et il ne vous a pas restreint la subsistance pour vous avilir, mais plutôt par sa sagesse et sa justice. C'est vous plutôt, Afwan, qui n'êtes pas généreux envers les orphelins. C'est-à-dire, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala vous honore par des bienfaits, vous n'êtes pas compatissant avec les orphelins. Ceux qui méritent d'être honorés, ces orphelins. Hein? Vous ne les honorez pas. Bien au contraire, vous les humiliez et les méprisez. Et ceci prouve que vous n'avez pas de miséricorde dans vos cœurs et que vous ne désirez pas faire le bien. Et l'orphelin ici, comme le disent les savants, c'est celui dont le père décède avant la puberté de l'enfant. D'accord ? Ça, c'est ce qui est correct. Hein? L'orphelin, ce n'est pas quand la mère elle meurt avant la puberté de l'enfant. Non, c'est quand c'est le père. Hein? C'est ce qui est correct. Et lorsque l'orphelin, il perd son père, hein, celui qui a l'obligation de subvenir à ses besoins, il a besoin qu'on l'honore, hein, qu'on soit bienfaisant envers lui. Car il a le cœur brisé par la perte de son cher père. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala ordonne ici d'être généreux envers les orphelins. Et il dit ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, « وَلَا تَحَادُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينَ » Qui ne vous incitez pas mutuellement à nourrir le pauvre. C'est-à-dire bien au contraire, vous n'ordonnez pas la bienfaisance envers les pauvres et vous ne vous incitez pas mutuellement dans cela. À plus forte raison, vous ne nourrissez pas les pauvres et ceux qui sont dans le besoin parmi les nécessiteux. Et cela à cause de quoi? À cause de votre avarice et votre grand amour de cette vie d'ici-bas qui s'est ancrée dans vos cœurs. Wallahu al-musta'an. Il continue Allah subhanahu wa ta'ala en disant وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلَ اللَّمَّ qui dévorez l'héritage avec une avidité vorace. Hein, vous dévorez, vous mangez les biens légués par le défunt. Vous mangez l'argent des orphelins avec une avidité vorace. C'est-à-dire, rapidement, vous ne laissez rien. Vous êtes tellement avare. Vous avez pris non seulement votre bien, vous, et aussi ceux des orphelins. Vous n'avez rien laissé. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبَّنْ جَمَّ et aimez les richesses d'un amour sans borne. C'est-à-dire, vous aimez les richesses d'un grand amour. Et ceci est la nature de l'homme. Hein? Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans Sourate les Coursiers, verset 8. Et pour l'amour des richesses, il est certes ardent. Il est certes ardent. Ça, c'est la nature de l'homme, à la base. Il aime l'argent, wallahu al-musta'an. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit ensuite, Kalla, il met en garde, prenez garde, إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكَّنْ دَكَّ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمْ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَى. Prenez garde quand la terre sera complètement pulvérisée. Ce que vous aimez comme bien dans cette dunya et vos concurrences dans les plaisirs ne resteront pas, elles ne sont pas durables, elles sont éphémères. Mais bien au contraire, il y a devant vous un jour immense, un jour terrible, une énorme frayeur. Le jour où la terre et les montagnes seront pulvérisées. Elles seront comme de la poussière éparpillée. Et tout ce qu'elle contient, et les laissera comme une plaine dénudée dans laquelle tu ne verras ni tortuosité ni dépression. Plus rien, plus de montagnes, plus de construction, plus rien. Tout est détruit. et que ton Seigneur viendra ainsi que les anges rang après rang. Allah subhanahu wa ta'ala, il viendra réellement. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui viendra. C'est pas son ordre comme ils disent les gens de l'innovation. C'est pas l'ordre d'Allah qui viendra ici, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui viendra comme il lui convient, comme il convient à sa majesté. Comment? Wallahu a'lam. On ne sait pas le comment. Et on ne demande pas parce que ça fait partie des innovations, c'est interdit. Le comment appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne ressemble en rien à ses créatures. Mais Allah subhanahu wa ta'ala viendra pour juger entre ses serviteurs à l'ombre des nuées. De même que les anges qui sont nobles, tous les habitants des cieux, ils viendront rang après rang. Les anges de chaque ciel viendront en rang. Ils entoureront toutes les autres créatures en dehors d'eux. Et ces rangs seront des rangs d'humilité, de soumission devant le maître de l'univers, Allah subhanahu wa ta'ala. Et que ce jour-là, on amènera l'enfer. Ce jour-là, on amènera l'enfer. Subhanallah. Wal'iyadu billah. Les anges le traîneront par des chaînes. Comme on avait vu dans le hadith authentique. L'enfer sera apporté le jour de la résurrection. Il aura 70 000 chaînes. Et il y aura sur chaque chaîne 70 000 anges. Imagine-toi, pour le traîner. Fais 70 000 fois 70 000. Wallah. Subhanallah. Hein? Lorsque ces choses arriveront, ce jour-là, l'homme se rappellera ce qu'il aura fait de bien et de mal. Mais à quoi lui servira de se souvenir? Ça sera trop tard. Le temps de se rappeler est parti. Le temps de l'exhortation, des œuvres, le temps du repentir, il est parti. C'est trop tard. À quoi lui servira de se souvenir? Il dira « Yaqulu ya laytani qaddamtu li hayati » Il dira « Hélas, que n'ai-je fait du bien pour ma vie future ?» Il regrettera pour ses manquements envers Allah. Subhanallah, imagine-toi le kafir, le mécréant. Lui, il va regretter parce qu'il n'a pas cru en Allah, subhanahu wa ta'ala. Il s'est enflé d'orgueil. Il a associé à Allah, subhanahu wa ta'ala. Il va se mordre les doigts. Celui qui a fait des péchés parmi les musulmans, parmi les croyants, lui aussi, il va regretter. Il va regretter de ne pas s'être repenti, etc. Mais lui, alhamdoulilah, il finira par rentrer au paradis. Même si il passera, si Allah le veut, par sa volonté en enfer. S'il le veut, il le châtiera. Et s'il le veut, il lui fera miséricorde. Mais même le croyant, subhanallah, ce jour-là, qui a adoré Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit, qui a obéi à Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est éloigné des interdits. Même lui, subhanallah, il regrettera de ne pas avoir multiplié les bonnes œuvres, de ne pas avoir fait plus d'œuvres. Mais lui, ce sera dans le bon sens, pour la récompense, etc. Naam. Que n'ai-je fait du bien pour ma vie future? Hélas, que n'ai-je fait du bien des œuvres pieuses pour ma vie future? Celle qui est éternelle. Celle qui est éternelle. C'est pas la vie d'ici-bas. Cette vie d'ici-bas, elle est vouée à perdition. Elle est éphémère. Elle est éphémère. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, quand les sahaba ils ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dormir dans une paillasse et qu'il laissait des traces sur ses côtés, ils ont dit, ô messager d'Allah, si nous prenions un matelas pour toi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, que vais-je faire avec la vie d'ici-bas? Je ne suis dans la vie d'ici-bas que comme un cavalier qui s'est mis à l'ombre d'un arbre, puis il est parti et l'a laissé. La vie d'ici-bas par rapport à l'au-delà, elle est quoi? Regarde le hadith. Alors, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme il est rapporté de Al-Mustawrid ibn Shaddad, hein, qu'Allah l'agré, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, je jure par Allah, la vie d'ici-bas par rapport à celle de l'au-delà est comme si l'un d'entre vous trempait son doigt dans la mer, qu'il regarde ce avec quoi il va sortir. Tu trempes le doigt dans la mer. Est-ce que tu vas ressortir avec quelque chose? Rien. Rien du tout. Même la goutte, il n'y en aura pas. Et même l'eau, il n'y en a pas. Eh bien, ton doigt, il va sécher. Eh bien, elle est comme ça, la dunya. Hein? C'est pour ça qu'il dira, que n'ai-je fait du bien pour ma vie future? Hein? Celle qui est éternelle. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Sourate le discernement, versets 27 et 26, le jour où l'injuste se mordra les deux mains et dira, hélas pour moi, si seulement j'avais suivi chemin avec le messager. Malheur à moi, hélas, si seulement je n'avais pas pris un tel pour ami. Donc dans cette dunya, prends ton ami, prends le croyant. Prends parmi les gens de la sunna et du consensus, parmi les gens de la vérité. Ne prends pas les mécréants, les injustes, ne prends pas les gens de l'innovation comme amis. Wal'iyadu billah. Ce jour-là, donc, nul ne sera châtié comme lui châtié. Hein? فَيَوْمَ إِذِ اللَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ. Ce jour-là, donc, nul ne sera châtié comme lui châtié. Pour celui qui a négligé ce jour et a oublié d'œuvrer pour ce jour, mais plutôt a désobéi, Allah le châtiera d'un châtiment terrible. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui va le châtier. Et nul ne sera garrotté comme lui garrotte. On va comprendre ce mot, qui est un peu difficile à comprendre en français. C'est-à-dire ici qu'ils seront attachés, ils seront liés, attachés par des chaînes de feu. On parle des mécréants. L'ayadu billah. Ils seront traînés par leur visage dans l'eau bouillante. Puis ils seront brûlés dans la fournaise. Ceci est la rétribution des criminels. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Al-Haqqa, celle qui montre la vérité, versets 30 à 33, saisissez-le, puis mettez-lui un carcan, ensuite brûlez-le dans la fournaise, puis attachez-le, liez-le avec une chaîne de 70 coudées, car il ne croyait pas en Allah le très grand. Qu'Allah nous en préserve. Voilà, iyadu billah, l'enfer. On avait déjà cité yani les châtiments hein, de l'enfer. Allahu al-musta'an. Qu'Allah nous préserve. Allah, dans cette dunya, on est vraiment inconscient. Dans une totale inconscience. Wallah. Insouciant. Allah, si on se rappelait l'enfer tous les jours, Allah, on multiplierait les bonnes œuvres. On ne louperait même pas une seconde. Wallah. Alhamdulillah, on est encore dans cette dunya. Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Il est encore temps d'œuvrer, de multiplier, surtout pendant ce mois béni. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ensuite, et il termine cette sourate justement pour, dans ce qui réjouit les cœurs et tranquillise les poitrines. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala, « Ya ayyatuhan nafsul mutama'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah » Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ô toi âme apaisée, celle qui a cru en Allah subhanahu wa ta'ala, en ses messagers, il lui sera dit, ô toi âme apaisée, ce jour-là, Allah subhanahu wa ta'ala appellera cette âme croyante qui était ferme dans sa religion, qui était apaisée, celle qui obéissait à Allah subhanahu wa ta'ala, une âme apaisée vers le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui était sereine dans l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, on l'appellera pour l'honorer. Ô toi, âme apaisée, retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée. C'est-à-dire, retourne vers ton Créateur, celui qui t'a éduqué et comblé de ses bienfaits. Retourne vers Allah subhanahu wa ta'ala, satisfaite et agréée. Agréée par Allah subhanahu wa ta'ala. Et de ce par quoi Allah l'aura honoré comme récompense. Il sera satisfait. Comment en être autrement? Car certes, Allah subhanahu wa ta'ala est satisfait d'elle, de cette âme, l'âme du croyant. Entre donc parmi mes serviteurs et entre dans mon paradis. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Et entre dans mon paradis, le paradis qu'on l'avait cité à plusieurs reprises, mais il faut se le rappeler tout le temps, dont nul œil n'a vu, Aucun œil, aucun œil, Afouane, n'a vu. Aucune oreille n'a jamais entendu. Et ce qu'aucun cœur n'a jamais imaginé. Tous ces bienfaits énormes, ces délices éternels, on les a cités dans les sourates. Il faut se les rappeler. Et comme ça, il tourne le croyant. Hein? Entre la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et la peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, il espère sa miséricorde. Il espère sa récompense. Entre l'espoir et la crainte. Entre l'espoir et la crainte et l'amour. Entre ces trois adorations. Donc on s'adressera à cette âme apaisée le jour du jugement. Et on s'adressera aussi à cette âme au moment de la mort. Au moment de la mort aussi, hein, dans les délices de la tombe. Qu'Allah fasse qu'on fasse partie de ces âmes apaisées. Le jour de notre mort ainsi que le jour du jugement. Ainsi se termine, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, cette grande sourate, sourate al-Fajr, l'aube. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakumullahu khairan wa baraka fikum. Je vous remercie tous. On se dit à demain, inshallah ta'ala, à la même heure, 20h. Naam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.